Chaque lundi, nous parlons de l'humain, du vivant et aujourd'hui de l'homme de Néandertal. Nous avons vécu ensemble en Europe pendant environ 15 000 ans. Longtemps après sa découverte, au XIXe siècle, nous l'avons considéré comme un sous-homme, une sorte de brute, trapue et violente, une version primitive de l'homme moderne, nettement moins intelligente que nous. Pourtant, les découvertes récentes démontrent que les différences entre Néandertal et Sapiens sont beaucoup moins tranchées. Pas sûr que la comparaison que nous ne pouvons nous empêcher de faire a d'ailleurs un sens. Il nous faut donc reconsidérer notre appréciation de ce cousin qui a mystérieusement disparu il y a environ 30 000 ans. Mais la tentation d'en faire à l'inverse un surhomme peut se révéler aussi fausse que notre condescendance initiale. L'homme de Néandertal, un cousin très sous-estimé, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour mieux comprendre cet étrange cousin qui n'en finit pas de nous révéler ses multiples talents, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Depape. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorien, archéologue, paléolithicien, directeur régional des Hauts-de-France de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Vous êtes également co-commissaire de l'exposition Néandertal organisée par le Muséum national d'histoire naturelle et qui se tient au Musée de l'Homme depuis le 28 mars 2018 et jusqu'au 7 janvier 2019. Marie-Hélène Moncel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS dans l'unité Histoire naturelle de l'homme préhistorique et vous êtes paléolithicienne et archéologue au Muséum national d'histoire naturelle. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine sur France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Pascal Depape, pourquoi avoir réalisé cette exposition sur l'homme de Néandertal que l'on peut donc visiter au Musée de l'Homme depuis quelques jours? Ben, c'est un projet qui a germé il y a quelques années maintenant, avec Marie-Hélène Patoumatis, qui est la co-commissaire de l'exposition avec moi-même. Et ce projet, il avait pour but, il y avait deux buts initiaux, plus précisément. Le premier, c'était de faire le point sur l'état actuel des données scientifiques. Que savons-nous de l'homme de Néandertal, de sa génétique, de sa vie, de son mode de vie, des environnements qu'il fréquentait, etc., etc., etc., sachant que ces données changent évidemment quasiment tous les jours maintenant. Le deuxième objectif de l'exposition était d'avoir un regard sur les regards portés sur Néandertal depuis ses découvertes au milieu du 19e siècle, 1856 très précisément, pour la découverte éponyme de l'homme de Néandertal, jusqu'à nos jours, parce qu'il y a de l'exposition des citations extrêmement récentes qui concernent l'homme de Néandertal. Et ça nous paraissait intéressant de montrer comment cet autre humain avait été perçu par nous-mêmes en fonction de l'évolution des données scientifiques, mais également du contexte religieux, politique, philosophique qui a entouré ces 150 ans, un peu plus de 150 ans, de recherche scientifique sur l'homme de Néandertal. Marie-Hélène Moncel, en quoi, selon vous, cette exposition peut contribuer à une sorte de réhabilitation de l'homme de Néandertal ? Alors, je pense que cette exposition, elle est la bienvenue parce que ces dernières années ont vu de belles découvertes sur Néandertal. Alors, ces découvertes, c'est par exemple de l'art, la présence de certains types d'objets qu'on ignorait. Mais en fait, c'est pas trop une réhabilitation, à mon avis. C'est plutôt montrer à quel point ce monde est un monde cohérent, qui a survécu pendant très longtemps, dans des contextes et des climats extrêmement variés. Et donc, pourquoi vouloir à tout prix le comparer ou non avec l'homme moderne? Simplement essayer de comprendre comment il fonctionnait et peut-être trouver ce qui était commun avec l'homme moderne, ou alors ce qui était différent. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très bien que l'on présente au public toutes ces nouveautés qui permettent de bien alimenter la discussion sur cet homme de Néandertal. Donc, sortir de cette espèce de hiérarchie, finalement, que l'on a tendance souvent à faire et qu'on fait également avec les animaux, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est toujours aller chercher chez Néandertal ce qu'il a de moderne. C'est-à-dire, on va aller chercher ce qu'il a de comportements qui ressemblent à l'homme moderne, à l'homo sapiens, ce que nous sommes. Mais en réalité, en fait, c'est des comportements qui ont pu émerger dans deux mondes différents en parallèle et qui ont toutes leurs raisons d'être parce qu'elles correspondent à une façon de gérer un espace, un territoire, de survivre. Et donc, en fait, c'est plus plutôt montrer la cohérence des deux mondes et ne pas forcément vouloir les comparer et dire un est plus est supérieur à l'autre. D'autant qu'on a peut-être tendance, Pascal de Pape, à comparer l'homme de Néandertal de l'époque avec l'homo sapiens d'aujourd'hui. Ce qui... Oui, de toute façon, Marie-Hélène vient de le dire, hein, on essaye toujours de faire des comparaisons. Là, c'est peut-être même, si on élargit un peu la focale, c'est peut-être même une tendance de plus en plus poussée actuellement, vu que moi je vois dans les journaux des comparaisons et des notations, des classifications surtout, que ce soit les hôpitaux, les lycées, enfin on est dans une époque où on a envie de tout classer, tout codifier, tout hiérarchiser, ça devient même assez délirant, je me permets cet aparté. Oui, on a toujours essayé de comparer Néandertal depuis sa découverte hein, avec nous, parfois dans un esprit strictement scientifique, mais souvent... Cette comparaison avait pour but d'être dans un système de classification hiérarchique. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, on avait un système de classification des races. Et donc, Néandertal arrivait très bien dans ce système de classification des races. Tous les travaux qui avaient été réalisés à l'époque sur cette hiérarchisation classifiée, ça correspondait très bien avec aussi une vision sur l'homme préhistorique. Forcément inférieur, et Néandertal, dans ses hommes préhistoriques, forcément simiesque et brutal, parce qu'un physique un peu différent du nôtre, qui le ramenait pour beaucoup plus vers l'homme singe, voire carrément le singe, que l'homo sapiens. Marianne Monsel, c'est peut-être cette caractéristique des arcades sourcilières prononcées, d'un menton fuyant, qui sont en gros les deux grandes caractéristiques hein, qui distinguent l'homme de Néandertal de l'homo sapiens, qui ont forgé cette image de brute ou de personne moins développée, moins sophistiquée, moins raffinée que l'homo sapiens. Bah bien sûr, tout est, évidemment, la reconstitution des premiers squelettes, des premiers crânes, a donné une image tout à fait négative à cet individu. D'autant plus qu'à l'époque, on connaissait quand même peu de choses sur ce comportement. C'est quand même depuis les deux dernières décennies, et Pascal me le confirmera, qu'il y a une multiplication des découvertes, une multiplication des méthodes qui nous permettent d'aller de plus en plus profondément dans son mode de vie, dans sa façon d'appréhender l'espace. Et on s'aperçoit en fait qu'il a des stratégies, des manières de faire qui sont aussi performantes que l'homme moderne, différentes, mais aussi performantes, et qui lui ont permis de survivre dans des environnements extrêmement variés, et sans doute plus longtemps que nous pour l'instant. Hein, puisque les premiers traits néandertaliens arrivent vers 400 000 ans, 450 000 ans. Les premiers traits comportementaux également. On a tendance toujours à retenir les traits anatomiques qui commencent à émerger dans les populations. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a également des petits changements comportementaux qui commencent à émerger également. Et donc, c'est plus longtemps que notre propre histoire pour l'instant. Voilà, alors deux histoires parallèles pendant un certain temps, donc moins 430 000 ans, comme vous l'avez dit, pour l'homme de Néandertal, qui se trouve dans une partie Europe-Asie. Pendant que l'homo sapiens, lui, habite en Afrique et se développe à partir de 300 000 ans, Pascal de Pape. Homo sapiens, la plus vieille trace biologique d'homo sapiens, qui n'est pas forcément une trace comportementale, comme ça avait été dit, il faut toujours être très méfiant, c'est environ 300 000 ans. C'est à Djebel Irhoud, c'est en Afrique du Nord, ce sont les plus anciens fossiles qu'on ait trouvés à ce jour. Et depuis, homo sapiens on est africain. On le sait depuis peu de temps. On le sait depuis un an. Voilà. Homo sapiens est africain, là il n'y a pas de doute, pour le moment ça fonctionne comme ça. Néandertal en revanche est un Européen, et essentiellement un Européen, Europe de l'Ouest, Europe centrale. Si on retrouve des Néandertaliens en Eurasie, sur la totalité du continent eurasiatique, c'est parce que Néandertal, autour de 120 000 ans environ, s'est déplacé vers l'Est et vers le Sud-Est. Vers l'est pour aller jusqu'en Altaï actuelle, donc à la limite entre la Russie, la Chine et cette zone très montagneuse, où on a des hominidés néandertaliens, mais aussi une autre population humaine, Denisova, on y reviendra peut-être. Et il s'est également déplacé vers le Proche-Orient, sur les territoires actuels du couloir levantin, où on a également des néandertaliens, sans doute des 130 000, 140 000, au moins 130 000. Et c'est là... a priori que, pour la première fois, Sapiens et Néandertal, autour de 100 000 ans, se sont rencontrés. Alors, ils se rejoignent dans cette zone dont vous parlez, et l'homme, l'homo sapiens, lui, vient d'Afrique, et ensuite, ils vont cohabiter en Europe. Quelles sont les caractéristiques de cette rencontre? Est-ce qu'on connaît déjà, par exemple, les populations concernés. Combien il y avait-il d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens qui voyageaient ainsi à travers la planète, Marie-Hélène Moncel? Alors, il est très très difficile d'estimer, parce que par exemple, le nombre de sites que l'on connaît actuellement dépend de l'état des recherches, des régions, dépend de la préservation de ces sites, parce qu'il faut considérer qu'un site archéologique est un miracle de conservation. Et en plus, on n'a qu'une partie du site souvent qui est conservée. Donc, on a énormément de mal à estimer les populations. Alors, il y a eu plein d'hypothèses, plein d'études divergentes. Ça va entre 10 000 et 70 000. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres qui sont pas très réalistes, même si c'est très bien d'avoir tenté de les estimer. La seule chose qu'on peut dire, par exemple, c'est l'ADN fossile permet de dire que les derniers Néandertaliens étaient sans doute très fragmentés, des petits groupes qui avaient peu de contact les uns avec les autres. Donc peut-être une idée de l'estimation d'une population très faible en Europe. Mais pour les périodes antérieures, je serais bien en peine de vous donner une idée de la quantité d'individus. Mais néanmoins, Pascal Depape, si ces populations étaient de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'individus, les probabilités de rencontre sur une telle surface étaient faibles. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement vigilant aux termes qu'on utilise. On parle de cohabiter. Il faut peut-être mieux parfois parler de coexister, ce qui n'est pas exactement la même chose. On peut coexister sans cohabiter. Parce que cohabiter, ça induit des contacts, alors que coexister, pas forcément. L'avantage du Proche-Orient, c'est que c'est une zone qui est relativement petite. Et donc là, on a en tout cas, biologiquement, génétiquement, des traces de coexistence, de cohabitation, vu qu'on a des hybridations qui se déroulent là-bas au Proche-Orient. On va en reparler. Pour ce qui est de l'Europe occidentale, c'est beaucoup plus compliqué. Quand les sapiens arrivent, en passant par les Balkans ou par les plaines d'Europe centrale, en Europe occidentale, dans les années entre 40 000 et 35 000, disons quelque part par là, on constate que non seulement un peu avant, les groupes néandertaliens, c'est ce qui vient d'être dit par Marie-Hélène, sont petits et a priori fragmentés. La génétique nous le dit, l'archéologie nous le dit aussi. On est sur des systèmes culturels, une forme d'éclatement culturel néandertalien avec plusieurs systèmes culturels différents qui semblent correspondre à des populations néandertaliennes différentes qui peuplent cet espace qui est quand même relativement grand. Et quand les sapiens arrivent, il semble qu'ils arrivent au moins sur l'Europe du Nord-Ouest, dans une zone où il n'y a déjà plus de Néandertaliens. Parce que dans l'état actuel de la recherche, et malgré les difficultés de datation des sites archéologiques, on ne trouve jamais de sites archéologiques où, premièrement, les niveaux néandertaliens soient au-dessus, donc plus récents que les niveaux dits sapiens, et où, deuxièmement, il semble qu'entre les derniers niveaux néandertalien, archéologique néandertalien et les premiers niveaux archéologiques sapiens, on est systématiquement dans cette zone de l'Europe du Nord-Ouest, j'insiste, c'est pas forcément partout pareil, un hiatus chronologique d'environ 2000 ans. Donc, sapiens semble arriver en Europe du Nord-Ouest sur un terrain où il n'y a déjà plus de néandertaliens. C'est pas forcément le cas dans le sud de la France, c'est pas forcément le cas en Espagne non plus. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui à l'homme de Néandertal avec nos invités Pascal Depape, préhistorien et archéologue, et Marie-Hélène Moncel, directrice de recherche au CNRS et archéologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Justement, Marie-Hélène Moncel voulait réagir. Oui, non, mais justement, juste pour apporter un petit complément à ce que disait Pascal, donc cette fragmentation des groupes néandertaliens à la fin de leur histoire, en fait, cette régionalisation des comportements, elle est vraiment visible qu'à la fin de l'histoire des Néandertaliens. Ça, c'est vraiment intéressant parce que plus on recule dans le temps, c'est-à-dire dans les premières phases du monde néandertalien, c'est-à-dire, on va dire, entre 350 000 et 200 000, on n'a pas cette vision de régionalisation. Alors, bien sûr, les sites sont moins nombreux. Plus on avance dans le temps, plus les sites sont nombreux. Et en fait, on a plutôt l'impression qu'il y a une diversité de manières de faire qui appartiennent à chacun des groupes, mais pas une régionalisation. Et donc, peut-être là, on pourrait imaginer des structures de population, une démographie de population peut-être un peu plus dynamique et qui, au cours du temps, va devenir de moins en moins dynamique et va conduire à cette régionalisation à la fin de leur vie. Alors, s'ils ne sont pas très nombreux et si les surfaces dont on parle, les superficies sont très grandes et donc la probabilité faible d'une rencontre, il en reste pas moins que la cohabitation, elle a duré longtemps, 15 000 ans, Pascal Depape. La coexistence. Disons voilà. La coexistence plus que la cohabitation. Parce que cohabitation, une fois de plus, ça implique des contacts entre des groupes. Tandis que c'est habiter avec, habiter ensemble. Coexistence, on a aussi la coexistence avec Denisova, avec Flores, etc. C'est très très différent. Et il n'y a pas forcément des contacts. Donc les deux termes doivent être vraiment maniés avec une certaine prudence. Effectivement, si on est sur de la coexistence, c'est 300 000 ans. Mais il y en a qui sont en Afrique, d'autres qui sont en Europe. Si on est sur de la cohabitation, dans l'état actuel des choses, on a deux indices de cohabitation. Le premier, c'est autour de 100 000 ans au Proche-Orient, où on a une hybridation entre les deux populations. C'est-à-dire que là, Sapiens, montant d'Afrique, quittant l'Afrique par le couloir levantin, rencontre Néandertal qui était implanté déjà sur place, et ils se rencontrent bibliquement, si je puis me permettre l'expression, vu que nous avons un peu de génétique néandertalienne en nous. Et il semble qu'il y ait une deuxième cohabitation dans les années 50 000, 60 000, 65 000, mais qui est plus vers les plaines d'Europe centrale et peut-être même d'Europe orientale, où là, il y aurait une deuxième hybridation. Donc les instants de contact physique Néandertal-Sapiens, dans l'état actuel de la recherche, semblent limités à deux espaces et à deux temps. Alors cette rencontre, cette hybridation a été quand même un choc considérable lorsqu'on l'a découverte dans l'analyse, grâce à l'analyse du génome, Marie-Hélène Moncel. Ah ben oui, on a quand même vu qu'on avait entre 1 et 4% de gènes néandertaliens qui étaient conservés. Des gènes qui ont sans doute été conservés parce qu'ils étaient intéressants pour nous, positifs, sinon ils auraient été éliminés. C'est sûr, oui, ça c'est grâce à l'ADN fossile, mais depuis quand même un certain nombre d'années, les archéologues tentent de chercher aussi des preuves archéologiques de cette rencontre. Est-ce que, par exemple, les Homo sapiens auraient appris certaines choses aux Néandertaliens? Naturellement, toujours dans ce sens-là, on n'imagine pas que les Néandertaliens aient pu apprendre quelque chose aux Homo sapiens. Alors que ça peut s'imaginer. Et pourquoi pas? On peut tout à fait imaginer dans les deux sens, puisque tous les deux avaient des atouts de stratégie de vie sur ce continent européen. Alors, il y a eu certaines études qui ont été faites sur la parure, en particulier, qui apparaît plutôt dans les derniers Néandertaliens. Et donc, certaines études démontreraient que c'est la manière de fabriquer cette parure est tout à fait spécifique dans les groupes néandertaliens, donc elle n'est pas la même pour les groupes de sapiens. Donc soit il y a eu des contacts, les sapiens ont vu qu'on fabriquait de la parure, ils ont assimilé ce nouvel objet, ils l'ont travaillé à leur manière, ou alors pourquoi pas imaginer qu'il y a également découverte de la parure à la fin du monde néandertalien. Est-ce qu'on peut imaginer que l'homme de Néandertal étant plus ancien dans cette partie du monde, c'est-à-dire l'Eurasie, il avait des capacités ou développait des aptitudes d'adaptation supérieures à celles des nouveaux arrivants qui étaient Homo sapiens, Pascal de Pape. Je ne sais pas s'il faut systématiquement être sur des registres supérieurs, inférieurs, etc. C'est différent, ni supérieur ni inférieur, selon moi. Là, ce que Marie-Hélène vient de dire, c'est extrêmement intéressant. C'est à des registres sur lesquels il faut travailler maintenant. On est toujours parti sur le principe que Sapiens apportait des choses à Néandertal. On nous a expliqué des systèmes d'acculturation, etc., etc., etc. L'exemple de la parure, par exemple, jusqu'il y a très peu de temps, c'est Néandertal croisant Sapiens au détour d'une steppe, voit que Sapiens fait des parures, il trouve ça très mignon et il se dit « tiens, je vais en faire aussi ». Bon, rien ne prouve absolument pas cette façon de voir les choses. On est un peu dans l'imagination, là, non ? On est surtout sur un registre sapiensocentrique, si je puis me permettre l'expression. C'est forcément nous qui apportons quelque chose aux autres. C'est exactement comme Jules Ferry qui apportait, grâce au colonialisme, la civilisation à des peuplades un peu inférieures à la fin du 19e. On est sur le même registre, c'est exactement ça. Quand on est aussi sur des systèmes de disparition, d'explication de la disparition. Il y a une des théories, à laquelle je crois peu, mais bon, qui existe, qui est les maladies. Sapiens aurait importé des maladies dans le monde néandertalien. Mais on peut imaginer également l'inverse, que Néandertal aurait pu également, lui aussi, donner des maladies à Sapiens. Mais malgré tout, cette hypothèse-là, elle n'est jamais prise en compte. Bon, c'est parce que nous avons, Européens, porté des maladies aux Amérindiens au XVIe siècle. Il faut quand même constater que imaginez que Néandertal, ayant vécu 300 000 ans en Europe, au minimum 300 000 ans en Europe, enfin même beaucoup plus que ça, connaissait parfaitement son environnement et il était parfaitement adapté. C'est un peu ce que je suggérais. Voilà. Donc si les cohabitations ont existé, on peut imaginer que Néandertal ait pu communiquer une part de ce très long savoir, c'est cette adaptation dans des climats et des régions européennes, à Sapiens arrivant. Mais une fois de plus, on n'a pas de traces de cohabitation, c'est-à-dire d'échange entre populations dans les années 40 000, 30 000. Et ça, vous parlez du nord de l'Europe, mais est-ce que vous avez dit que dans le sud, c'était peut-être, moins net? C'est-à-dire qu'on manque encore de données, je pense, sur le sujet. Mais dans l'état actuel des choses, les groupes qui semblent porteurs des cultures dites sapiens, au minimum les Aurignaciens, ne semblent pas être, par la suite, surmontés de couches archéologiques, donc plus récentes, de groupes porteurs de technologies néandertaliennes. Donc il semble quand même que, quand les sapiens arrivent, soit il n'y a plus beaucoup de Néandertaliens, soit peut-être même ils ont déjà disparu. Marie-Hélène Mancel. Oui, juste pour ajouter, si par exemple on retient les résultats sur l'ADN ancien au Proche-Orient, donc s'il y a hybridation, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des individus néandertaliens étaient absorbées par un groupe de sapiens, par exemple des néandertaliennes absorbées, et pourquoi pas imaginer qu'elles apportaient avec elles ou ils apportaient avec eux leur manière de faire, leur technique, et qu'on peut très bien être assimilés par ces groupes de sapiens. Donc il faut pas chercher autre chose. Cette hybridation, elle n'était pas simplement dans l'absolu. Elle montrait la rencontre également de deux mondes culturels. Oui, d'ailleurs il n'y a pas de notion de supériorité si l'on parle d'une adaptation plus perfectionnée du fait de la durée pendant laquelle elle s'est exercée. C'est juste naturel de s'adapter de façon plus perfectionnée à un environnement lorsqu'on y demeure pendant très longtemps, parce qu'elle ne peut pas. C'est pas une question de supériorité d'un individu par rapport à un autre. Oui, bien sûr, il n'y a pas, enfin, à mes yeux, il n'y a pas de question de supériorité sur le sujet. Et puis en plus, l'histoire des techniques, quand on fait de l'histoire des techniques, ça démontre que parfois, ce n'est pas forcément la meilleure technologie qui est celle qui est celle qui devient la plus prégnante. Il faut se rappeler, pour les plus anciens d'entre nous, l'histoire des VHS et des Betamax. On savait tous que Betamax marchait beaucoup mieux, mais c'est VHS qui avait emporté le morceau. Donc c'est pas forcément si simple. Ça, c'est l'évolution technologique, c'est une autre... Bien sûr. Mais ça ressemble, c'est important, y a des points communs. C'est important. Quand on est au Proche-Orient et qu'on a des populations qui semblent se mélanger entre Néandertal et Sapiens, on constate d'un point de vue strictement archéologique, dans les cultures lithiques, qu'on a des systèmes culturels identiques. Ça s'appelle le Moustéria du Levant, et on n'a pas la possibilité, si on n'a pas un fossile humain, de différencier un site qui contient ce Moustéria du Levant entre Néandertal et Sapiens. Ce sont deux populations qui sans doute vivent dans des endroits qui sont relativement proches les uns des autres, s'hybrident parfois et utilisent les mêmes technologies lithiques, les mêmes cultures. Alors on découvre des caractéristiques de l'homme de Néandertal qui sont quand même assez extraordinaire. L'automédication, par exemple, mais bien sûr les sépultures, enfin plein de traits qui peuvent paraître très évolués aujourd'hui, Marie-Hélène Mancel. Alors oui, pourquoi retenir le terme extraordinaire, très évolué? Après tout, c'était des individus qui connaissaient... Pour l'époque, par le fait que c'est attribué à... C'est les découvertes qui sont assez exceptionnelles, en ce sens que les méthodes ont permis, par exemple, de travailler sur le tartre des dents, et donc de découvrir un certain nombre d'éléments qui ont été préservés dans ce tartre. Et c'est là qu'on a vu, par exemple, qu'il consommait des féculents, sans doute des bouillies cuites en particulier, qu'il y avait des éléments de plantes, et dont certaines, la variété des plantes, font penser que certaines pouvaient être médicinales. Mais ça, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, il y avait une variété de plantes. Non, ça confirme simplement ce que l'on sait quand même depuis un certain temps, c'est qu'il utilise tout ce que l'environnement lui offre, qu'il est parfaitement adapté à cet environnement et qu'il ne va pas se contenter juste de récupérer les grands herbivores, comme longtemps on l'a dit, qu'il chassait aussi des petites espèces, des petits herbivores, des oiseaux, etc., des lapins, enfin, tout ce qu'il avait autour de lui, et qu'il consommait également tout le monde végétal qui l'entourait. Alors, bien évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est les méthodes qui ont permis ces dernières années de mettre ces observations en évidence. Oui, bien, je reste émerveillé par le degré d'évolution que l'on découvre chez les Homo sapiens ou néandertaliens de l'époque. C'est plutôt, moi je dirais, une capacité parfaite de s'adapter à leur environnement et d'exploiter tout ce qui est utilisable et leur permettant de vivre mieux dans cet environnement. Alors cette adaptation laisse quand même la place à un trait qui peut paraître un peu difficile à imaginer, c'est le cannibalisme, Pascal Depape. Le cannibalisme est quelque chose qui est inhérent à l'humanité. Il y a du cannibalisme actuel également. Enfin, il suffit de se rappeler l'accident dans les Andes en 72. C'est un cannibalisme, lui, pour le coup, alimentaire. Le cannibalisme en archéologie... Dans une situation de survie particulière. Oui, alimentaire, ouais. Une situation de survie. Il y en a eu d'autres, de cannibalisme de ce type, le radeau de la Méduse, le naufrage du baleinier Essex, qui a donné lieu à la chanson « Il était un petit navire », qu'on chantait de temps en temps dans les écoles, dans le temps. Le cannibalisme... Il y en a deux sortes. Il y a un cannibalisme alimentaire, de survie. Il y a aussi un cannibalisme rituel. C'est celui-là qui est le plus difficile à mettre en évidence. Le cannibalisme rituel, lui-même, il y a deux types de cannibalisme rituel, ce qu'on appelle l'endo et l'exocannibalisme. Donc il y a pas mal d'ethnologues qui ont bossé sur le sujet, donc on va la faire brève. L'exocannibalisme, c'est quand vous consommez quelqu'un d'un autre groupe que le vôtre, alors que l'endocannibalisme, c'est quand vous consommez quelqu'un du même groupe que le vôtre. Pour ce qui est des Néandertaliens, même si ce cannibalisme a existé chez les sapiens, et on a une bonne partie de notre mythologie qui parle du cannibalisme, ne fût-ce que chez les Grecs et les Romains, vu que Cronos dévorait ses enfants, il ne faut pas l'oublier. Et je vais passer sur la religion catholique d'ailleurs. Mais le cannibalisme chez les Néandertaliens, il est attesté dans un certain nombre de sites archéologiques. Il n'est pas attesté sur toute la période des Néandertaliens et ni partout. C'est des spots que nous avons comme ça par endroit, qui peuvent dépendre de réalités historiques, mais qui peuvent dépendre également d'un état de la recherche. Parce qu'une fois de plus, pour avoir des traces de cannibalisme, il faut des ossements humains. Et des ossements humains, Néandertal est la population fossile pour laquelle nous avons le plus d'ossements. Mais ça reste malgré tout assez limité. Il y en a un peu plus de 300 individus. Et quand on parle d'individus, parfois ça se réduit à morceaux de crâne ou à fragments de fémur. Mais sur une période de 300 à 400 000 ans. Donc c'est quand même pas énorme. Il faut aussi être dans cette perspective-là. Donc sur environ 20 000 générations de Néandertaliens, on en a 300, quoi. Bon, vous voyez un peu à quoi ça peut correspondre. Ce cannibalisme, oui, il existe. Dans l'état actuel des choses, il est difficile de mesurer la part du rituel et de l'alimentaire dans ce cannibalisme. Une autre caractéristique, c'est les capacités d'automédication de l'homme de Néandertal, avec, par exemple, l'utilisation, et ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'exposition du Musée de l'Homme, l'utilisation de pénicilline. Oui, c'est ce qu'on a identifié. Maintenant, on ne sait pas à quoi ça correspond. Est-ce que ces particules peuvent s'être retrouvées aussi par hasard dans ce tartre? Mais bien évidemment, pourquoi pas imaginer qu'il avait une connaissance parfaite du monde végétal qui l'entourait? Les populations chasseurs-cueilleurs actuelles, il est parfaitement démontré leur connaissance parfaite de l'environnement végétal. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer que Néandertal n'était pas capable de ça. Ce qui est peut-être très difficile à imaginer, c'est justement la période, la très longue période dont on parle, et donc les capacités d'évolution et d'adaptation pendant une période aussi longue. Nous avons 2000 ans d'histoire, et là nous parlons de périodes de 30 000 à 300 000 ans. Voilà, d'autant plus que cette période, elle est traversée par plusieurs phases climatiques. On a tendance à l'oublier. Nous vivons actuellement dans un interglaciaire, le dernier. Mais dans toute l'histoire des Néandertaliens, ils ont survécu pendant plusieurs glaciaires et interglaciaires. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne s'est pas arrivé d'un seul coup. Il y a eu une adaptation progressive des groupes humains. Mais tout de même, ils ont montré leur capacité à s'adapter à des milieux très froids, à des milieux plus tempérés, à des milieux côtiers, à des milieux montagneux. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer qu'ils ne pouvaient pas être capables de tester toutes les plantes qui les entouraient et de voir celles qui pouvaient leur être utiles ou non. Voilà, on n'était pas encore dans la science, mais on était dans l'empirisme qui peut donner beaucoup de résultats. Tout à fait. Par exemple, les peuples qui vivent en Amazonie, enfin, il est parfaitement démontré que leur connaissance du milieu végétal, elle est largement supérieure à ce que l'on connaît, nous, de ce milieu. Et il y a même certaines études pharmaceutiques qui veulent aller rencontrer cette connaissance pour en extraire certains produits pharmaceutiques qui pourraient être utilisés actuellement. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer que l'homme néandertal n'a pas testé ce qui l'entourait. Malheureusement, Pascal Depape, il ne nous a pas laissé beaucoup de traces de ce savoir accumulé. Oui, ce savoir, il a été accumulé une fois de plus sur des milliers de générations, peut-être 20 000 générations, peut-être même un peu plus. Vous parliez d'empirisme et de science. Nous, les démarches scientifiques, elles ont quelques générations, pas plus. Et puis de nous à Jules César, c'est 80 générations, il faut se le rappeler. Là, on parle d'un humain qui a vécu pendant 20 000 générations et qui a pu se transmettre un certain nombre de savoirs à travers ce temps gigantesque de ces 20 000 générations. Là, ce qui se passe pour le moment, c'est ce qui vient d'être dit également, c'est cet extraordinaire foisonnement autour de Néandertal, mais pas que, grâce à l'explosion de la qualité et de la diversité des méthodes scientifiques. Les tartres dentaires, c'est relativement récent comme type d'étude, ça a quelques années seulement. Ça a permis de jeter un regard totalement différent sur l'alimentation des Néandertaliens. Jusqu'à présent, jusqu'à ces études de tartres dentaires, entre autres, on était persuadé qu'il s'agissait d'une alimentation extrêmement carnée, voire même quasi exclusivement carnée, et avec une chasse orientée aux grands mammifères. La chasse aux grands mammifères avait déjà été un progrès par rapport aux années 60-70, où on pensait que c'était un charognard. Donc là, on avait reconnu le statut de chasseur, c'était déjà pas mal. Et son côté un petit peu trapu, un peu fort, qui pouvait induire... Un petit costaud, on va le dire comme ça, quoi, un petit costaud. Mais bon, là... Pas si petit, d'ailleurs, vous donnez des tailles... 1m65 pour les hommes, environ, entre 1m65 et 1m68, ce qui correspond à la taille des Européens au 19e siècle. C'est ce que je voulais dire. C'est pas si petit que cela. Une musculature plus développée, plus importante. Avec, on le voit, avec des attaches musculaires qui sont très développées sur les os. Et donc, c'était à quelqu'un de relativement trapu et de très musclé. Et pour revenir sur l'alimentation, ces études de Tartre dentaire ont montré justement, comme ça vient d'être dit, une diversité dans l'acquisition de nourriture carnée. Donc, pas uniquement des grands mammifères, mais tous les mammifères qui pouvaient être intéressants dans son environnement, mais aussi des oiseaux, et aussi peut-être des poissons, des mammifères marins, des coquillages marins pour ceux qui étaient en milieu côtier, donc vraiment une capacité à s'adapter à tous ces milieux, et la gestion de végétaux. Ça a quand même été aussi une découverte extrêmement importante, extrêmement importante. Alors, à un certain moment, on a pu imaginer que la gestion de végétaux pouvait s'être faite par récupération d'un contenu stomacal. Quand vous mangez du haggis en Écosse, vous pouvez manger des végétaux sans le savoir parce que ça se trouve dans l'estomac du mouton. Mais néanmoins, quand ces végétaux sont cuits, là, effectivement, ça pose un petit problème parce que le renne ne cuisait pas ces végétaux avant de les ingérer lui-même. Donc là, il y avait également une forme de préparation culinaire, également, vu que ça a été cuit. Sous quelle forme, ça, on ne le sait pas encore. Peut-être que dans 10 ans, on aura de nouvelles traces. Mystère. Alors, on a juste évoqué, bien entendu, les aptitudes à enterrer ses morts, à se nourrir, à se soigner. Et il y a également la grande question du langage, qui est un facteur différenciant en matière d'évolution. Marie-Hélène Moncel, il semblerait que l'homme d'un Néandertal eût les possibilités de s'exprimer. Oui, tout à fait. Les chercheurs, enfin les anthropologues qui travaillent sur les restes fossiles n'ont plus naturellement les corps mous, qui permettent donc d'identifier le langage, mais la morphologie de la base du crâne leur permet tout de même de reconstituer donc ces corps mous, et donc tout le monde maintenant est d'accord pour dire qu'il avait un langage particulièrement articulé, il n'y avait pas de problème de communication. Et de toute manière, vu ses stratégies et vu ses manières de, par exemple, de fabriquer des outillages, d'organiser sa gestion du territoire, de la chasse, etc., il était certain qu'il y avait communication entre les individus d'un groupe. Mais c'est vrai que donc les études maintenant démontrent clairement, même si certains pensent peut-être que certaines voyelles pouvaient être un peu plus graves que notre façon de prononcer les voyelles du fait de la morphologie de la base du crâne. Mais quoi qu'il en soit, le langage articulé est maintenant bien démontré. Et ceci grâce à un cerveau plus gros que le nôtre. Oui, mais on sait que la taille du cerveau ne veut rien dire, c'est la qualité, pas la quantité qui compte. Donc même si sa morphologie est différente, donc ça ne veut rien dire au niveau de ses capacités. Alors bien sûr, son frontal est moins développé. C'est ce qui va caractériser l'homme moderne, hein, le développement du frontal, les zones de l'abstraction, mais les comportements de l'outillage, par exemple la façon de fabriquer les objets, montrent très bien que cette faculté d'abstraction, elle était maîtrisée, d'une autre manière sans doute, mais elle était maîtrisée par les Néandertaliens. Donc on peut analyser les différentes aires du cerveau de l'homme de Néandertal grâce à la trace que laisse le cerveau sur la voûte crânienne. Tout à fait. Il y a des spécialistes, en particulier dans mon unité, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui travaillent donc sur l'endocrâne. Et donc on peut reconstituer la morphologie des différentes parties du cerveau, l'innervation du cerveau, et donc effectivement travailler sur ces différentes zones. Mais on sait actuellement que même pour nous, l'étendue des connaissances sur le cerveau, elle est complexe. Hein. On a du mal à comprendre également les relations qui existent entre les différentes aires du cerveau. Et donc, en fait, on est très, très loin de comprendre comment fonctionnait le cerveau néandertalien, en dehors du fait qu'on a des éléments archéologiques qui nous aident à appréhender cette faculté d'abstraction et de communication. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. Par Hagen Bonnemann sur France Culture, où nous parlons aujourd'hui de l'homme de Néandertal avec Pascal Depape, préhistorien et archéologue, et Marie-Hélène Moncel, directrice de recherche au CNRS et archéologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Les connaissances, comme nous l'avons vu pendant cette première partie de l'émission, les connaissances sur l'homme de Néandertal ont progressé, comme les méthodes pour l'étudier, ou même grâce aux méthodes qui sont utilisées pour l'étudier. Depuis une trentaine d'années, les techniques se sont améliorées. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire du Musée de l'Homme pour explorer ces nouvelles méthodes. Oui, des méthodes qui vont bien au-delà de l'analyse morphologique, puisque maintenant les chercheurs parviennent à reconstituer des itinéraires empruntés par certains individus néandertaliens. Avec Sarah Higemans de notre équipe, nous avons rencontré Christine Vernat, qui est paléoanthropologue et qui a retrouvé sur le terrain en France des restes osseux. Et à partir de ces fossiles-là, elle fait de l'anthropologie dite virtuelle, en combinant des techniques d'imagerie, la paléogénétique et l'analyse géochimique des isotopes contenus dans les os. L'objectif, en multipliant ces approches-là, c'est de déterminer la mobilité territoriale des populations, qui reste un élément clé de l'adaptation à l'environnement. L'étude des restes humains, des restes de squelettes humains fossiles, elle a beaucoup changé au cours des 20-30 dernières années. On continue de les étudier, et moi je le fais aussi avec des pieds à coulisses, en regardant la morphologie, en observant, en faisant de l'anatomie comparée, pour des questions donc d'évolution biologique. Mais maintenant on a aussi des batteries de toute une série de nouvelles méthodes qui apportent de nouvelles informations. Ça va aller de l'anthropologie dite virtuelle, où on va pouvoir, grâce au scanner, aller à l'intérieur des os ou des dents, des analyses génétiques, mais aussi effectivement des analyses de ce qu'on va appeler la biogéochimie, des analyses des éléments, des atomes qui sont contenus dans les ossements ou les dents. Et plus particulièrement, donc, moi je m'intéresse à des analyses d'isotopes. Et donc le rapport de ces isotopes est intéressant à étudier à l'intérieur des ossements et des dents pour plusieurs raisons. Nos ossements et nos dents sont fabriqués à partir d'un certain nombre d'éléments que nous ingérons dans notre alimentation. Et moi, je m'intéresse à un élément qu'on appelle le strontium. Le strontium, il est chimiquement assez proche du calcium. Et donc, de temps en temps, quand on fabrique nos ossements ou nos dents, au lieu d'incorporer des atomes de calcium, on va incorporer du strontium à la place. Et ça m'intéresse pour une raison particulière, qui est que le strontium, il est présent donc lui aussi sous forme de plusieurs isotopes. Et il y a deux isotopes qui sont une sorte de traceur qui caractérise les roches du sous-sol géologique. Donc en analysant les rapports du strontium, qu'est-ce qu'on a pu déterminer comme type d'aliment et finalement comme site géographique rattaché à ces ossements ? Alors en fait, ce que ça va nous permettre de discuter, c'est quand on trouve par exemple, qu'on va trouver une dent ayant appartenu à un homme de Néandertal ou à plusieurs Néandertaliens dans un site archéologique, dans une région particulière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un petit fragment d'émail Alors on travaille sur l'émail des dents parce qu'il conserve bien les éléments du vivant de l'individu, tandis que les ossements vont être plus soumis à une contamination pendant tout le temps où les ossements sont enfouis dans le sol. Donc on travaille sur de l'émail dentaire, on prend un petit fragment d'émail, et puis on va suivre tout un protocole chimique de préparation de l'échantillon pour ensuite mesurer le rapport ce rapport de deux isotopes du strontium, donc à l'aide d'un spectromètre de masse. Donc tout ça se passe en laboratoire. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir comparer la valeur qu'on obtient à la sortie de ce spectromètre de masse avec, finalement, la représentation de ces isotopes du strontium dans l'environnement en fonction du sous-sol géologique. Donc pour ça, il faut faire des cartographies. Donc je vais sur le terrain, je prélève des échantillons de plantes en regardant sur la carte géologique le type de couche géologique de sous-sol sur lequel elles poussent. Et je vais faire subir à ces plantes le même traitement qu'à l'émail dentaire pour obtenir la valeur de ces isotopes du strontium. Et ensuite je vais comparer. Et donc lorsque je vais avoir ces valeurs, je vais pouvoir les comparer. Et la première étape, ça va être de dire est-ce que la valeur, le rapport de ces deux isotopes du strontium dans l'émail de la dent du néandertalien ou des néandertaliens que j'étudie, elle correspond tout à fait à celle qui entre dans la chaîne alimentaire, donc qui rentre dans les plantes, etc., de l'endroit où j'ai découvert ces néandertaliens. Alors, ça va me permettre de dire si cet individu, au moment où sa dent s'est formée, il était déjà présent dans la région. Vous savez que les dents se forment de manière séquentielle, les unes à la suite des autres, pendant l'enfance. Nous avons tous des dents, ce qu'on appelle des dents de lait d'abord, ensuite des dents permanentes qui se forment. Donc moi, selon la dent que j'étudie, je cible un moment particulier de l'enfance de l'individu. Donc la première étape, ça va être de dire, est-ce que cet individu, au moment où, par exemple, sa première molaire qui s'est formée aux alentours, quand il était très jeune, aux alentours de 1 ou 2 ans, est-ce qu'il était déjà dans cette région, ou est-ce que ce signal isotopique du strontium me montre qu'il consommait des aliments qui poussaient sur un terrain géologique complètement différent? Et à ce moment-là, on va pouvoir chercher quel terrain géologique il s'agit. Est-ce que vous avez pu établir des cartographies plus précises grâce à vos méthodes? Donc effectivement, les cartographies, j'ai surtout des collègues australiens qui ont fait une cartographie très importante en France, avec, vous le voyez ici, toute une série de points qui correspondent aux points échantillonnés, et ensuite des séries de valeurs. Et on voit bien, par exemple, que les valeurs isotopiques du strontium de terrain sédimentaire, du bassin aquitain ou du bassin parisien, sont plus faibles que celles des terrains du massif central ou du massif armoricain. Et donc la première étude publiée pour un néandertalien, elle date de 2008, c'est une dent de sagesse d'ailleurs, qui a sa couronne et ses racines assez bien préservées. Elle a été découverte dans un site en Grèce, au bord de la mer. On a échantillonné par ablation laser et donc mes collègues avaient obtenu une valeur qui correspond à le rapport de ces deux isotopes du strontium. Alors on parle de strontium 87 sur 86. Donc mes collègues ont conclu qu'effectivement cet individu, quand il était enfant, et probablement dans un moment entre 6 et 11 ans, il se nourrissait à partir donc de végétaux, d'herbivores qui provenaient d'une autre région qu'ils estimaient en moins 20 km du site où on l'a découvert. Donc à partir de ces cartographies et des connaissances des sols qui se trouvent autour, comment vous déterminez la distance? Comment vous établissez un peu l'itinéraire de cette personne néandertal? Alors, vous venez de mettre le doigt sur exactement, pour l'instant, la limitation à ces travaux. C'est-à-dire qu'on est capable de dire qu'effectivement, ça venait d'un autre terrain. On peut, quand on a des bonnes cartographies, comme c'est le cas maintenant pour la France, estimer quel type de terrain ça peut venir, mais on n'a pas de certitude sur l'endroit précis. Simplement, on regarde par rapport au site archéologique où on l'a découvert, quelle distance minimum on va trouver des terrains ayant fourni des valeurs isotopiques similaires que celle qu'on a mesurée dans l'émail des dents. Donc c'était une estimation, mais ils estimaient que le terrain le plus proche qui pouvait correspondre à la valeur mesurée était à 20 km. Marie-Hélène Moncel, Pascal Debab, des réactions à ce reportage de Céline Lausanne au Musée de l'Homme? Oui, le développement des études sur les isotopes du strontium sont vraiment enthousiasmants pour moi, parce que ça permet d'aller encore plus loin dans l'appréhension du territoire des néandertaliens. Parce que jusqu'à maintenant, les isotopes, par exemple, du carbone, de l'azote, permettaient de parler de son alimentation. C'est pour ça que pendant très longtemps, on avait insisté sur l'alimentation très carnée au travers de ces isotopes. Mais là, le strontium nous permet de voir son territoire. Parce que le territoire, jusqu'à maintenant, il est analysé plutôt à travers des matières premières. On sait que les Néandertaliens utilisent massivement les matériaux locaux, mais on a aussi dans les sites archéologiques quelques pièces qui viennent d'un peu plus loin, on va dire 60, 100 km. Et donc on se pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment la taille du territoire, minimum ou maximum parcouru, ou est-ce que c'est dû à des échanges entre les individus? Et là, les isotopes du strontium nous permettent de dire, cet individu qu'on a retrouvé mort dans ce site, où a-t-il vécu où est-il né? Et donc, ça nous permet d'avoir une sorte de couche supplémentaire d'informations sur la taille des territoires. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant, parce que ça va nous permettre d'avoir une vision tout à fait différente et de comparer les régions entre elles. Parce qu'on sait que la taille des territoires et la gestion des territoires étaient différentes selon les régions et la topographie, le climat. Pascal Depape, ces technologies changent vraiment profondément notre connaissance. Oui, totalement. Moi, je me rappelle avec émotion, quand j'étais étudiant et qu'on étudiait l'homme de Néandertal, ce sont des données dont on n'avait absolument pas même imaginé que ça puisse arriver un jour. Sur les résultats dus aux isotopes, que ce soit l'azote ou le strontium, c'est fondamental, ça vient d'être dit, avec néanmoins une limitation, c'est qu'on ne peut le faire que quand on a du fossile humain. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de sites archéologiques dans lesquels on n'a pas de fossiles humains. Et pour mon grand malheur, je travaille dans une région où on a extrêmement peu de ce type de données archéologiques. Vous parlez néanmoins, du nord de la France? Nord de la France, on en a malheureusement extrêmement peu. Mais néanmoins, ça ouvre quand même des champs d'investigation qui sont extraordinairement intéressants, qu'il faut coupler avec la paléogénétique, qu'il faut coupler avec les progrès des méthodes de datation, qui restent encore parfois sujettes à caution, mais qui ont quand même permis des avancées incroyables sur la chronologie des Néandertaliens. Parce que ça reste quand même quelque chose qui est fort étalé dans le temps. Et maintenant, on arrive à mieux séquencer les sites archéologiques dont on dispose. Il y a combien de sites archéologiques aujourd'hui ? Sur quel type de territoire? Ce sont des centaines de sites, voire même des milliers de sites, d'autant plus qu'après, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un site archéologique. Ce que je peux vous dire, c'est que dans une région comme le nord de la France, disons entre la Seine et la Meuse, hein, pour faire un nord de la France un peu élargi, parler en termes de sites archéologiques, c'est un peu difficile, parce que les sites archéologiques sont parfois enfouis sous des mètres de sédiments, donc on ne les voit pas, on ne les trouve pas si facilement que cela. Mais sur les 30 dernières années, nous avons fouillé pas loin de 80 sites. Je parlais pour l'homme de Néandertal. Ce sont des sites... Tous sont... Ce sont des sites du Paléolithique moyen, de l'homme de Néandertal. Ce sont des fouilles. Il y a au moins 80 fouilles qui ont été réalisées sur ce territoire du nord de la France. Sachant qu'une fois de plus, ce sont des sites qui sont difficiles à trouver. On n'est pas sur des domaines karstiques où là... Que mes collègues du Sud ne le prennent pas mal, mais il suffit de rentrer dans une grotte et de gratter un peu pour trouver un site archéologique, pardon Marianne. Mais là, dans le nord de la France, il y a des sites qui sont sous 15 à 20 mètres de sédiments et qu'il faut arriver à découvrir. Et c'est là que l'archéologie préventive a permis un accroissement des découvertes considérable grâce aux grands travaux sur les lignes de TGV, sur les autoroutes, les aéroports, etc. Ce qui nous permet à nous d'aller trouver ces sites qui sont parfois à 1 mètre, 2 mètres, 6 mètres de profondeur. Donc là, justement, la mission de l'INRAP. Donc, c'est une des missions de l'INRAP, tout à fait. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait environ 300 individus sur lesquels vous pouvez travailler, 300 individus hommes de Néandertal, ce qui peut paraître extrêmement peu pour arriver à reconstruire, Marianne Mansel, une histoire complète de cette population. Oui, c'est sûr, on a peu de restes humains, comme disait Pascal, mais on a quand même les sites archéologiques, et les sites archéologiques sont extrêmement parlants. Ces hommes de Néandertal ont laissé des outils, ont laissé de la faune qui est fragmentée, fracturée, c'est-à-dire leur alimentation. En fait, il faut se dire qu'on fouille les poubelles. Les poubelles, c'est-à-dire ce qu'ils ont bien voulu nous laisser. Alors, les produits abandonnés, les objets dont ils n'ont plus besoin, les choses cassées, etc., la faune. Et donc, ces sites, ils nous donnent énormément d'informations. Il n'y a pas que les restes humains. Alors, bien sûr, les restes humains, c'est extraordinaire d'en trouver un. Mais on a tellement d'informations dans un niveau archéologique. Et par exemple, juste un exemple. Actuellement, j'ai une étudiante qui travaille sur les traces donc laissées sur les eaux consommées par ces Néandertaliens. Et son objectif, c'est de savoir est-ce qu'il y avait des bouchers spécialisés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait certains individus qui traitaient les carcasses des animaux et qui donc avaient une certaine manière de faire qui était assez systématique et non pas tout le groupe qui était autour d'une carcasse. Donc on a énormément d'informations qui proviennent de ces niveaux archéologiques ou alors les outils, la manière dont ils sont faits, où ils sont allés chercher les matières premières. Alors beaucoup d'informations, mais un énorme mystère qui subsiste, c'est celui de la disparition de l'homme de Néandertal, Pascal Depape. Oui, la disparition de l'homme de Néandertal, elle a beaucoup résonné dans les études archéologiques, sachant que ça, c'est aussi peut-être, d'un point de vue philosophique, une interrogation par rapport à nous-mêmes. Je crois qu'il y a de ça aussi quelque part. La disparition de l'homme de Néandertal, ça fait des années qu'il y a pas mal d'hypothèses qui sont expliquées sur ce sujet-là. Certaines étant extrêmement loufoques sur lesquelles on va passer immédiatement, d'autres qui sont un peu plus intéressantes à considérer et à étudier. Il y a des hypothèses qui, une fois de plus, sont de comparaison entre Néandertal et nous. Il y a l'hypothèse de la compétition, où nous serions de meilleurs chasseurs, avec un spectre alimentaire, un spectre de ressources plus large. Nous aurions également de meilleurs réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et donc, forcément, nous étions supérieurs à Néandertal, et on a amené à son extinction petit à petit, en arrivant dans les zones dans lesquelles lui, il habitait. Moi, je pense, à titre personnel, que dans l'état actuel des choses, c'est l'hypothèse démographique qui me paraît être la plus pertinente. Une fois de plus, nous n'avons pas de certitude absolue, mais l'hypothèse démographique apparaît comme étant assez pertinente. Ça a déjà été dit, on constate vers la fin de l'épopée néandertalienne, j'aime bien dire épopée, ça me fait plaisir, l'épopée néandertalienne, on constate un appauvrissement génétique. Comme si les populations diminuaient déjà en taille, avec moins d'échanges entre ces groupes néandertaliens. D'un point de vue archéologique, on constate également une forme d'éclatement culturel, avec plusieurs systèmes culturels qui se répandent sur l'Europe, qui sont en Europe. Et donc là aussi, ça semble signer une rupture d'une forme d'homogénéité et donc de contact entre ces différents groupes. Si on additionne tout cela, en reprenant également l'autre hypothèse, la troisième, qui est la disparition de Néandertal dans certaines régions avant même l'arrivée de Sapiens, on peut imaginer que sur les 10 derniers 1000 ans de l'histoire des Néandertaliens, la démographie s'affaiblisse au fur et à mesure. On peut considérer que ce sont des groupes de taille relativement restreinte, peut-être une vingtaine de personnes, 20, 25 personnes, et que dans des groupes comme cela, la disparition du groupe peut être liée à la disparition de 2 ou 3 individus à l'intérieur d'un groupe. Et donc, ces groupes auraient disparu petit à petit, sans qu'il y ait forcément assimilation de Néandertal par Sapiens, mais simplement disparition démographique de Néandertal. Marie-Hélène Moncel, quelle est votre hypothèse favorite? Moi, je pense en général qu'un événement n'est jamais unifactoriel. En général, c'est souvent multifactoriel. Donc, c'est sûr que l'hypothèse démographique, je suis tout à fait d'accord, elle semble cohérente par rapport aux données de l'ADN ancien. Mais on parle aussi de cette période comme une période de très grande instabilité climatique. Les climatologues montrent qu'il y a des variations climatiques extrêmement rapides entre des périodes plus froides, plus tempérées, beaucoup plus rapides que les périodes antérieures qu'ont connues les Néandertaliens. Et ça, ça a pu aussi rajouter un élément supplémentaire de difficultés de survie de ces petits groupes qui étaient déjà très fragmentés et qui avaient du mal donc à se retrouver et à échanger entre eux des individus. On n'a pas d'idée sur la raison de cette fragmentation, de cette réduction des groupes et puis cette divergence culturelle. C'est peut-être justement lié à ces chocs climatiques qui, comme ça l'a dit par Mireille, sont extrêmement brutaux et brefs. Et rapprocher dans le temps. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'imaginer comme sur quelques centaines d'années, voire quelques dizaines d'années, des modifications climatiques importantes. Chose que nous ne connaissons pas encore. Là, ça peut amener à des contractions des populations en cas d'arrivée de climat très froid. Et ça peut amener à un éclatement des populations en cas de réchauffement climatique. De nouveaux terrains se libèrent, les groupes repartent dans ces nouveaux terrains, mais s'écartent de plus en plus. Et cela, ça pourrait être la cause, justement, de cette espèce d'éclatement culturel. Est-ce qu'on se pose la question, Marie-Hélène Moncel, de l'hypothèse d'une inversion de l'histoire où ce serait les hommes de Néandertal qui auraient survécu à l'Homo sapiens? Ben c'est difficile quand même de l'imaginer parce que les données génétiques et puis même les données archéologiques nous montrent quand même qu'on était en train de vivre une fin d'histoire. Alors peut-être qu'ils auraient peut-être survécu plus longtemps s'il n'y avait pas une forme de compétition dans certaines régions, puisqu'on n'est pas sûr que dans toutes les régions ils se soient croisés. C'est difficile d'imaginer parce qu'on sait que sur Terre, à un moment donné, il y avait plusieurs hominidés qui ont cohabité. Certains ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de preuves de difficultés particulières dans certaines régions qui expliquent leur disparition. On peut les citer peut-être, c'est les différents. Oui, par exemple, on parle de l'homme de Flores, hein, cet individu très petit qui est, d'après les anthropologues, pourrait être une forme de nanisme d'un Homo erectus qui aurait survécu isolé dans une île. On parle également de l'homme de Denisova qui a cohabité avec les Néandertaliens donc en Asie centrale. Donc on parle de plein d'hominidés, l'Homo naledi dont on a parlé récemment, autour de 200-300 000. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est simplement l'histoire, le buissonnement des hominidés sur Terre. À un moment donné, certains restent, d'autres disparaissent, sans qu'il y ait forcément des raisons très brutales pour expliquer leur disparition. Pascal Depape, ça veut dire que nous sommes là aujourd'hui autour de cette table, un peu par le hasard de l'évolution, par le hasard de notre capacité d'adaptation. La question qu'on peut se poser, en tout cas, on est quelques-uns à pouvoir se la poser, c'est certes, Néandertal a disparu, Flores a disparu, Denisova a disparu, mais nous, les sapiens, nous sommes les derniers survivants. Donc c'est tout aussi intéressant d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes les derniers survivants que pourquoi Néandertal a disparu. Même si je préfère travailler sur Néandertal, je ne vous le cache pas. Mais cette question-là, elle est quand même extrêmement prégnante. Pourquoi sommes-nous les derniers survivants ? Est-ce qu'on a une réponse à cette question effectivement essentielle ? Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse facile. Et comme cela a été dit, c'est certainement multifactoriel. Il n'y a pas une raison unique qui fait qu'une espèce disparaisse et qu'une autre survive. Il y a tout un faisceau de choses qui se sont passées. Et une fois de plus, il faut se mettre dans la profondeur du temps. Nous sommes dans une époque où tout doit aller toujours très très vite, hein, où quand un train arrive à un quart d'heure de 5 minutes, ça devient une espèce de catastrophe nationale. Là, on parle de milliers d'années, de milliers de générations d'humains qui sont succédées. Et puis, certaines sous-espèces disparaissent, d'autres survivent pour des raisons qui, à ce jour, nous échappent encore. Marie-Hélène Moncel, est votre hypothèse à vous sur notre existence, notre survie, la seule espèce à avoir survécu ? Alors, je ne sais pas trop, peut-être pas au temps préhistorique, mais l'homme moderne, enfin l'homo sapiens, a la faculté de s'adapter à une très grande variété d'environnements. On a peuplé un peu tous les espaces possibles. Les géographes parlent de l'œcumène, hein, c'est-à-dire le peuplement de tous les espaces, qu'ils soient froids, chauds, etc. Donc, est-ce qu'à un moment donné, cet hominidé a été capable d'occuper tellement d'espaces qu'il a tout doucement pris le pas sur les autres hominidés? Mais ça, c'est une hypothèse parmi d'autres. Peut-être que la raison, elle est complètement différente. Alors, les prochaines étapes, Pascal Depape, de la recherche sur l'homme de Néandertal, quelles sont les pistes actuellement qui vous paraissent prometteuses? Quelles sont les découvertes que l'on peut imaginer faire dans les prochaines années? Là, il y a une densité de découvertes assez forte depuis quelques temps. Les découvertes, elles vont se poursuivre. Moi, j'en suis totalement persuadé. Et on va encore avoir pas mal de surprises. Je trouve que les 20 dernières années, ça a été totalement passionnant à ce sujet-là, complètement passionnant. Moi, je crois qu'il y a un champ d'investigation qui devrait nous intéresser tous et qui nous intéresse d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous. Ce sont les traces d'expression symbolique de l'homme de Néandertal. Là, je crois qu'on commence là également à passer une étape. Pendant très longtemps, on a considéré qu'un Néandertal n'avait pas un développement d'expression symbolique aussi important que le nôtre. Je crois que les dernières découvertes qui ont été réalisées en Espagne, même si on peut encore et on doit toujours s'interroger sur la fiabilité des datations, des découvertes, etc. Ça, c'est la démarche scientifique qui le veut. Mais ça doit nous pousser à nous interroger sur l'expression symbolique et sur la métaphysique des Néandertaliens. Eh bien voilà donc un programme que nous espérons vous allez suivre. Merci beaucoup à nos deux invités, Pascal Depape et Marie-Hélène Moncel, d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez poursuivre votre découverte de l'homme de Néandertal grâce à l'exposition qui lui est consacrée au Musée de l'Homme jusqu'au 7 janvier 2019. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lauzen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Sarah Hichman, Elisabeth Miro à la réalisation et Marie Lepeintre à la technique. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique où nous parlerons d'éoliennes en mer, ces arlésiennes de la transition énergétique en France.